Puisque j'ai mis ma lèvre à ta bouche encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie. Bolekeur ! Le collectif des radios locales des Vosges lance un nouvel appel poétique, une action soutenue par les collèges lycées des Vosges, notamment le collège du Tillot et de Contrexéville et le lycée de Bruyère, par les médiathèques du département, par Culture C'est Nous et les associations littéraires des Vosges. Aujourd'hui, nous allons écouter les textes de la classe de 5e à projet artistique et culturel de Contrexéville que Philippe Ballet est allé rencontrer. Vous, auditeurs, êtes appelés après chaque émission à nous faire part de vos coups de cœur. N'hésitez pas à revenir vers nous via Facebook ou par mail. Un regroupement des meilleurs poèmes créera un lien final et des prix du public seront attribués. Allez-vous-en avec vos feuilles toutes fanées. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve juste après. Silencieuse, silencieuse, dans la silencieuse, dans la silencieuse, dans la silencieuse, dans la silencieuse, dans la silencieuse, dans la silencieuse, dans la silencieuse, dans la silencieuse, dans la silencieuse. La flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, de la, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, le La flamme la Dis non, de... à l'océan éclairé. La voix du cœur ébahie. La gloire du stylo plonge dans les éveil et le confort des voix. Les terres du sont sur Jupiter. Le rêve et la sagesse de cette glorieuse planète. L'océan, océan, qui ouvre le cœur des mondes et le dans le ciel azur, la voix qui joue avec l'oiseau, le cœur qui s'ouvre sous la qui chante des berceuses, le doux sourire de l'ancêtre, le temps des contes, mon cœur étant périphérie avec le temps, la tristesse de l'automne sous les prairies de soleil, les animaux qui pleurent les mythes sont le tout son de la liberté, rose son des mythes, le ciel clair qui rêve de continent. La beauté, c'est un baril de neige qui tue la douleur pour pouvoir rêver de son enfance. Le ciel qui souffle dans la gloire. La beauté, c'est le chant des oiseaux dans le ciel bleu. La beauté, c'est un chat heureux dans les champs de blé. La jonction entre deux en septembre, la liberté. le rosé de l'amour tendre, le rêve qui se libère de la vie, la tristesse de la vie qui nous sourit, le bonheur fraternel, éternel des enfants, des adolescents, dormir en rêvant du ciel dans l'océan, les paroles du chant autant voir. Paris, couvert d'un ciel. Un ciel de gloire. Gloire de tristesse. Tristesse de joie. Tristesse de joie. Des hommes de bois pleurent pour une rose. Rose de joie. Rose de tristesse. Rose de tristesse. Mais aussi de joie. Le bonheur des enfants et le sourire de l'enfant qui vient du cœur et le bonheur de l'enfant quand il rêve pendant le souffle du de la rivière en regardant la fleur qui vient du ciel. Le silence. La liberté de la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Aimer, rêver. Rêver. La frontière du silence. C'est le trésor du silence. C'est le trésor du silence. Son chat. Puisque j'ai mis ma lèvre à ta bouche encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie. Vous venez d'entendre la classe de 5e à projet artistique et culturel de Contrexéville. Vous pouvez également, auditeurs, participer. Faites-nous parvenir vos poèmes sous forme sonore, fond musical possible, par clé USB ou 8 transferts à boulecoeur@radiogemozo.eu. Ou sous forme écrite, nous lirons les textes sur l'antenne à Radio Guémouzeau, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont. Cette émission sera rediffusée samedi à 15h et on se retrouve la semaine prochaine. Je puis maintenant dire aux rapides années...